Le signe fatal. Le jour mémorable où le cutter ramena triomphalement le City of Plymouth à Morlaix, le premier soin du maître d'équipage Lantoc, tout glorieux de cette prise et de retour pour la première fois depuis 20 et quelques années dans sa ville natale, fut de s'informer, auprès du premier Morlaisien rencontré, de l'homme sous lequel il avait servi autrefois, de son ancien commandant du temps de sa jeunesse, par lequel il jurait toujours, alors qu'il voulait personnifier la bravoure, le dévouement et l'honnêteté, de celui qui était demeuré son héros et auquel il eût été fier de se montrer en vainqueur. À la question qu'il posa « Hé, camarade, pourrais-tu me donner un petit renseignement de métier ?» L'interrogé, un vieux à figure d'ancien marin, répondit « À ta disposition, maître. Où habite à cette heure l'amiral Cornick ?» Une seconde, l'ancien, croyant à une plaisanterie, regarda de travers son interlocuteur. Mais devant la face de bonne foi, les yeux anxieux et la mine grave de celui qui lui parlait, il souleva son béret de la main gauche et de la droite, désignant le cimetière sur la hauteur, fit « Au paradis des braves !» Lantoc, malgré son accoutumance des deuils, bien qu'il pût se dire que celui-là surtout, ce Charles Cornick Duchesne, né en 1731, après une vie entière de batailles, de duels, d'aventures de terre et de mer, si extraordinairement rempli qu'il en est peu de comparable, devait avoir acquis des droits au repos éternel, n'en sentit pas moins comme une légère piqûre au cœur et balbutia. « Mort, mon ancien patron ? Il y a déjà 4 ans, en 1809, qu'il s'est éteint dans sa petite propriété du Dourduf. » Le maître d'équipage dut se détourner pour que l'autre ne vît pas l'alarme qui brilla soudain dans ses prunelles. Cela lui gâtait soudain toute sa satisfaction de la victoire. Il fit « Merci, mon brave. Allons, faut bien tout de même qu'on finisse un jour ou l'autre. Mais j'aurais eu plaisir à le revoir, c'est dommage. » Ce ne fut pas sa seule désillusion ce jour-là. Vainement, il chercha à retrouver par la ville quelques compagnons d'autrefois, des camarades de son âge, des amis, des parents. Pêcheurs ou marins comme lui, tous avaient successivement disparu, enlevés par les hasards de la guerre, de la maladie ou de la mer. C'est à peine si on paraissait même avoir connaissance des noms qu'il citait, essayant de réveiller les mémoires endormies. Son nom également, quand il le donna, Pierrick Lantoc, ne rappela rien à personne, provoquant seulement des sourires sur certaines lèvres, alors qu'on examinait sa silhouette bizarre, sa physionomie étrange, comme si ceux qu'il questionnait avaient pensé intérieurement comme les marins du Penbaz, Lantoc, un Lantoc, il en est bien tout le portrait, l'ancien. Mais sa face revêche arrêtait le rire, car le bonhomme ne semblait pas commode, et en dépit de l'âge, sa carrure inspirait le respect au moqueur. Ce n'était cependant pas un sentimental que le maître d'équipage, et on eût bien étonné les matelots qu'il menait volontiers Garcette au point, en capitaine d'armes peu tendre et à grand renfort de jurons et de bourrades, si on leur eût relevé ce qui se passait en ce moment en lui. Il subit une étrange et anormale sensation d'abandon, de mort. C'est alors que lui revint une première fois, très vive, toute résonnante encore aux oreilles, la conversation qu'il avait entendue, tandis que le cutter se dirigeait vers Morlaix, entre Poulzic et Kergustel, et que ce nom se gravait dans son cerveau plus nettement. Tinaïk Cornu. Cela devint une obsession. Il se répétait à tout instant « Faut que je la revoie, cette Tinaïk Cornu, encore vivante, si c'est possible. » Mais elle doit avoir de ces âges qu'on ne sait plus. » Il ajoutait, remué d'une crainte nouvelle, « Pourvu qu'elle se souvienne, si des fois elle était en enfance. » C'est ainsi qu'avait grandi en lui ce désir qu'il jugeait bizarre de savoir ce qu'elle était devenue avec l'âge, et surtout de bavarder avec elle du passé, ce passé si loin dans sa cervelle de vieux marin. Cela le rajeunissait, rien que l'idée de causer avec quelqu'un qu'il eût connu lui-même à l'époque où il était fringant, si fier de sa force, de sa jeunesse. et il avait presque des sourires dans ses vieilles rides quand il y songeait, comme à la pensée d'une bonne fortune inespérée. Assez longtemps, il dut attendre une occasion favorable. Sans cesse, il était pris par son service. Enfin, le jour où, après l'escarmouche avec la corvette anglaise, le commandant accorda à l'équipage la permission de taire jusqu'au lendemain soir, il décida qu'il mettrait son projet à exécution. Dès le matin, il fit toilette. Lui, d'ordinaire peu difficile sur sa tenue, il se rasa soigneusement, essayant de retrouver dans le miroir où il se regardait quelques lignes de sa figure d'autrefois. Mais il ne se souvenait guère de ce qu'il avait pu être après tant d'années, et il conclut seulement « Je dois avoir changé, bien sûr, on vieillit double sur mer en campagne. » Adroitement, sans en avoir l'air, il s'était informé de l'endroit où gîtait la vieille cornue. Elle n'avait pas changé de domicile, toujours dans son même trou de la falaise. En fermant les yeux, il croyait la revoir, mais comme à travers une brume épaisse. Il quitta Tromelin, sans dire bonjour à personne, de peur des questions, mais il ne put empêcher qu'on le vît. D'une fenêtre de la pièce où il travaillait avec son chef, Jan Postek l'aperçut et s'exclama à mi-voix. « Oh diable ! V'là l'entoc qui va faire ses fredaines ! Jamais je ne l'ai vu si beau ! Où court-il ainsi le cachotier ?» Attiré par ces mots, Thor Heppen se leva pour regarder à son tour. Il sourit amusé. « Retrouver sa douce, bien sûr. Allons, laissons-le, c'est un brave homme. » Et il se remit au travail sans soupçonner l'influence que pouvait avoir cette course de l'entoc sur sa destinée. Derrière le chevet de l'église de Plougasnou, une route amorcée sur celle qui arrive de la pointe de Primel descend directement sur la plage de Saint-Jean-du-Doigt. Ce fut celle-là que prit le maître d'équipage, soucieux d'éviter les rencontres et d'arriver le plus rapidement possible à son but. Bien qu'il y eût longtemps qu'il ne fût venu, il s'orienta assez aisément et ne tarda pas à déboucher, entre les deux hautes falaises, sur la longue plage de galets et de sable, dans laquelle, au sortir du vallon de Traon-Mériadec, viennent se déverser les eaux du Dounan. Immédiatement, il l'avait aperçu, la demeure qu'il cherchait, une sorte d'habitation de troglodytes, de cavernes moitié naturelles, moitié travaillées de main d'homme dans la partie de la falaise droite la plus rapprochée de la terre, presque au débouché du chemin qui arrive du bourg de Saint-Jean-du-Doigt. Plus il en approchait, plus il constatait que rien n'y avait été changé. La porte grande ouverte laissait distinguer tout au fond la lueur brasillante du foyer où chauffait une marmite. Devant, assise sur un escabeau, tenant un bâton dont elle semblait activer le feu, une forme de femme qu'on ne voyait que de dos. Le maître d'équipage, après une courte hésitation, voyant qu'elle n'avait pas bougé, bien que ses chaussures ferrées eussent résonné sur les galets, s'approcha jusqu'au seuil et demanda d'une voix presque timide « Tinaïque Cornou ?» Lentement, sans bouger le corps, la vieille femme tourna la tête. À travers ses lunettes, ses yeux noirs fixèrent l'arrivant sans qu'elle prononçât un seul mot. Le marin, malgré son courage, éprouva une certaine crainte à sentir peser sur lui ce regard. Il toussa, se remua, essayant de secouer cette impression, puis répéta « C'est bien vous, Tinaïque Cornou ? Qui veux-tu donc que ce soit qui ose gîter ici ? » fit-elle brusquement de sa voix cassée. « Tu n'es pas du pays pour poser une pareille question à l'habitante de la grève, à l'ami de la mer, à la solitaire. »« J'en suis sans en être, Tinaïque, vu que ce n'est pas la première fois que je viens ici. » Elle s'était retournée complètement, lui faisait face, les deux mains appuyées à son bâton et l'examinant. « Ah, tu me connais ? Voyons un peu. » Les rides de son front se creusaient, formant de profonds bourrelets autour de ses sourcils, et sous le verre des grosses lunettes, la vivacité de l'œil s'aiguisait. Le maître d'équipage voulut rompre par une plaisanterie la gêne qu'il ressentait. Il gouailla. « Tu ne me reconnais donc pas, mon amoureuse ? Il y a des temps et des temps qu'on ne s'est vu, ça c'est vrai, mais on a été amis autrefois dans notre jeunesse. Tu as figure de matelot, peut-être bien même de corsaire, hein ? On pourrait tomber plus mal, Je suis Lantoc, voyons, souviens-toi, Pierrick Lantoc, de Morlaix. Le diable ! Oui, tu en as bien le museau triangulaire, la crête et les épines. Tu frétilles comme lui. Si tu veux, sorcière. Elle se mit à rire subitement et vivement. Tu te fâches ? Tu as tort. Lantoc peint un nom à oublier, celui-là. Oh, je me souviens en effet. Mais il s'est passé tant de choses depuis. Je t'ai dit la bonne aventure, hé ? C'est pourquoi tu m'appelles sorcière. Ah, c'était le bon temps. On riait, on chantait, on dansait. La bonne aventure. Quand je pense que je pouvais les soigner de leur maladie, les guérir d'une entorse ou d'une foulure, leur apprendre ce qui fait du bien ou ce qui fait du mal, et que toujours c'était cela qu'ils réclamaient. La bonne aventure, leur sort, l'avenir. Ha ha ha, l'avenir, pauvre fou. Eh bien, Pierrick Lantoc, étais-tu content de ce que je t'ai prédit ? Parle, je t'écoute. Ne sachant trop si elle était sérieuse ou bien si elle raillait, le maître d'équipage, venu d'abord dans l'intention de causer amicalement avec la vieille femme, puis blessé par ce mot qu'elle lui avait lancé et qui avait amené sa riposte, protesta. « Je n'ai pas voulu t'offenser, Tinaïque. Au contraire, je venais te trouver d'amitié parce que, à toi je peux bien le dire, en revenant au pays, je n'ai plus retrouvé que la mort, le désert, et que tu es le seul être au monde qui aurait pu se souvenir encore du pauvre garçon qui a quitté sa Bretagne depuis si longtemps. » Oui, voilà. C'est bête, c'est ridicule, d'un vieux cachalot comme moi. Mais j'ai éprouvé le besoin de revoir quelqu'un m'ayant vu autrefois quand j'étais plus jeune. Oh, me reconnaître, ça ne se pouvait pas. Il y a ça, ça et ça qui change. Il haussa les épaules, passant son doigt dans la balafre lui coupant une moitié du visage, sur ses rides, ses cheveux plus rares et grisonnants. Tinaïque l'avait écouté avec attention. Elle fit. Oui, je vois, je comprends. Personne mieux que moi, l'abandonnée, la toute seule au monde, ne peut comprendre ce que tu éprouves. Tu n'es pas méchant, je le vois bien, malgré ton apparence un peu rude. Et même, je puis te le dire, je te connais mieux que tu ne le crois. Oh, sans être sorcière, va. Laisse ces idées-là à ceux qui ne peuvent pas admettre qu'on vive seul dans un trou, sans être en relation avec les méchants esprits. Tu es un brave, ta blessure le prouve, elle a été reçue en face. Mais tu es bon, je le sais aussi. On m'a raconté que c'était toi qui avais recueilli en mer, sauvé ton commandant, qu'il était comme ton enfant. Lantoc, qui s'était découvert, tourmentait sa coiffure entre ses mains, plus intimidé par ses éloges qu'il ne l'avait été par les brusqueries. Il bougonna. Beau mérite, tout matelot à ma place en eût fait autant. C'est le métier qui veut ça. Pas besoin d'avoir du cœur ou de la bonté pour ne pas laisser périr un pauvre gars ballotté par les vagues. Ah, on vous a dit. On aurait mieux fait de vous dire plutôt tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà qui vous attache à un être pour la vie. Jamais je n'ai vu de moussaillon plus doux, plus soumis, plus complaisant. Il se fut mis en quatre pour son père Lantoc, comme il m'appelait. Maintenant je suis son vieux Lantoc, son vieux diable. Cela me caresse comme une musique quand il me parle. Ah, je vous souhaiterais d'avoir près de vous quelqu'un comme lui, mon Thor Hepen. » Une sorte de tremblement faisait hoqueter la tête de la vieille femme, comme si les paroles du maître d'équipage eussent éveillé en elle toute une série de choses tristes et douces. Elle poussa un profond soupir. « Oui, cela me manque, Lantoc. Une société comme celle dont tu me parles. Tu es heureux et je t'envie. » Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir près de moi un être que j'aimerais, que je chérirais comme tu aimes et comme tu chéris ton commandant. Toujours j'ai pensé qu'un jour ou l'autre, le bonheur m'arriverait. » Elle baissa la tête, accablée. « Jamais, jamais. » Puis continua. « Me v'là dans la 80e année de ma longue, trop longue existence. Toute seule, toujours seule. Et pourtant j'avais espéré un moment. Oui, je me créais une famille, des êtres que je me préparais à adorer, que j'aurais entourés de tous mes soins, de toutes mes tendresses. Brusquement, tout cela a disparu, s'est effondré, englouti, emporté dans la tourmente de la révolution. » Des souvenirs passaient en elle comme de grands nuages emportés par le vent. Elle pensait tout haut. « J'avais une cousine. Tous ses enfants, c'était moi la guérisseuse qui les avait mis au monde. » Je les aimais, comme s'ils étaient miens. deux petites filles des amours, mais surtout le fils, l'aîné, le premier-né. Nul autre que moi ne s'occupait de lui, il ne voulait voir que moi. Il fut avec le temps devenu mon enfant, comme ton commandant est devenu le tien, Lantoc. Lui aussi me devait la vie, ça c'est vrai. Je l'avais sauvé, comme toi. Un sauvetage en mer ? Questionna le maître d'équipage, intéressé. Tinaïk reprit. Tu m'entends mal. Quand je dis comme toi, cela signifie simplement que, à moi aussi, il me devait la vie. C'est du feu que je l'avais tiré. Il avait 2 ans à peine. En jouant à côté de la cheminée dans la chambre où sa mère l'avait laissé seule, il tomba dans le brasier. Par une chance inouïe, je passai près de leur demeure, n'ayant même pas l'intention d'y entrer. J'entends des cris affreux, je me précipite. Le malheureux allait périr, brûlé comme devaient plus tard périr les autres. Or, la peur que j'ai éprouvée, la douleur que j'ai ressentie. Sa mère, entends-tu, Lantoc, sa mère n'eût pas plus souffert. Je vois toujours le pauvre mignon enveloppé de flammes. Elle se cacha un moment la figure dans ses deux mains, sans quitter sa canne. L'horrible vision. Il a survécu ? Questionna le marin. Oui, je l'ai soigné des mois et des mois. Une brûlure surtout était grave, là, sur sa poitrine, produite par un chenet en forme de pointe qu'il avait renversé en tombant dans la cheminée. Elle avait appuyé son doigt sur le côté droit de son corsage, montrant la place. Il en avait conservé une cicatrice qu'il devait porter toute sa vie, un sillon luisant comme une lame de couteau, la forme de ce chenet rougi par le feu sur lequel s'appuyait son pauvre petit corps. Lantoc avait fait un léger mouvement. Il demanda « Qu'est-il donc devenu ?» La voix de Tinaïk Cornou gémit, sombre et frémissante. « Je l'avais sauvé du feu, je n'ai pu le sauver de l'eau, et on me croit toute puissante et on m'appelle la sorcière. J'aurais vendu mon âme pour qu'il soit encore vivant. » Le marin semblait très agité. « Comment est-il donc mort ? Dans l'eau, un accident, à quel âge ?» Elle acheva. « Péri en mer, à peine âgé de 10 ans, là-bas, loin des siens, loin de moi, avec le bâtiment sur lequel il était embarqué comme mousse. » Disparu si bien que nul n'en a entendu parler. L'Armor que c'était, capitaine Morvan, un navire de commerce de Morlaix. Ni capitaine, ni matelot, ni mousse, à peine une planche pour dire où ils ont péri. Disparu, et voilà 20 ans de cela, aucune nouvelle. Lantoc semblait stupéfié. Il ne trouvait plus de phrases pour questionner et s'agitait, la cervelle traversée de pensées qu'il ne parvenait pas à rassembler. Il marmotta. « Péri en mer, 10 ans ?» La cicatrice. « Au diable !» Elle le regardait pensive. « Hein ? Peut-être que toi, qui es marin, tu as eu connaissance de ce naufrage corps et bien de cet Armor ?» Il secoua la tête. Non, il ne savait pas. Après quelques instants passés à essayer d'évoquer des souvenirs de sa première visite à la vieille rebouteuse, il prétexta son service pour prendre congé d'elle, en proie à une émotion inaccoutumée qui se trahissait par des mouvements plus saccadés, plus brusques que d'ordinaire. Il la quitta enfin après avoir promis. « Foi de Lantoc, je reviendrai !» et riant. « Au revoir, ma douce !»